APF France Handicap en Loire-Atlantique, toujours mobilisée, la délégation du 44 continue de traiter l'actualité sous l'angle de la solidarité. Le 22 juin dernier, les élèves des écoles et des collèges ont retrouvé leurs professeurs. Ce retour en classe s'est globalement bien passé, mais qu'en est-il des élèves en situation de handicap? Pourront-ils retourner avec leurs camarades ou au contraire devront-ils rester confinés pour leur propre sécurité? Nous avons interrogé Caroline Saliou, présidente de l'association des parents d'élèves de l'enseignement catholique. Bonjour Caroline Saliou, vous avez été présidente de l'association nationale APEL, donc l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre jusqu'en août 2018 et vous siégez depuis au Césaire où vous représentez les parents d'élèves dans l'enseignement catholique. Merci d'accorder déjà cet entretien à APF France Handicap. Alors pour commencer, dans son allocution du 14 juin, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des écoles et collèges avec quand même des mesures de distanciation sociale allégées. À titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? On va dire vraiment à titre personnel, parce que dans chaque décision qu'un chef de l'État peut prendre ou un responsable d'organisation ou d'entreprise, quelle qu'elle soit, il y a des tenants et des aboutissants que nous, on ne connaît pas. Mais à titre personnel, je pense qu'il est un peu tard pour prendre cette décision. Soit il fallait, quand on a réouvert les écoles, au mois de mai, il fallait déjà alléger les mesures, soit là, il fallait laisser courir jusqu'à la fin de l'année. C'est sûr que la décision était difficile à prendre. Il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés depuis le 17 mars. Ça pose un tas de problèmes dans tous les milieux. Il n'y a pas un milieu spécialement visé. Dans tous les milieux, ça pose problème. Mais là, franchement, du jour au lendemain comme ça, de demander aux enfants de retourner en classe quasiment à l'identique de ce qu'ils ont quitté ou à quelque chose près le 17 mars, alors que ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'on leur dit la distanciation, enfin voilà, il y a quand même un tas de paramètres. Et puis je vois aussi, alors là j'extrapole un peu, je sors un peu du sujet, mais j'ai vu par l'hôpital, et notamment l'hôpital de ma ville, que les enfants ont été traumatisés par ce confinement, parce que déjà à la maison, les parents ont expliqué, et sans doute bien expliqué, parce que c'est quand même quelque chose d'inédit, que personne n'a jamais vécu dans notre pays et partout dans le monde. Donc les parents ont expliqué aux enfants, du plus petit au plus âgé, et à l'école, quand ils sont rentrés à l'école le mois dernier, les maîtresses, les professeurs des écoles ont à nouveau, eux également, enfoncé le clou et tous les moyens étaient bons. Et c'était fait de façon, c'était une question de prudence, d'accompagnement. Enfin voilà, c'était vraiment pour faire prendre conscience aux enfants de ce qui se passait. Et du coup, la distanciation, les gestes barrières, tout a été évoqué dans les textes, dans les poésies, dans les chants, dans... Et du coup, on se retrouve en pédopsychiatrie à l'hôpital avec des enfants de maternelle et de primaire qui sont complètement traumatisés par cette situation. Parce que si on a voulu les mettre en garde, leur faire comprendre ce qui se passait, ça a bien marché. Et ça a tellement bien marché que maintenant, pour certains, ça les empêche de dormir et que trop, c'était trop. Donc voilà, on a eu cette attitude-là jusqu'à la semaine dernière. Et aujourd'hui, on leur dit que quasiment, ils peuvent retourner à l'école. Donc je pense que il aurait été souhaitable d'aller comme ça jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin juin. On est quand même à 3 semaines de la sortie pour ceux qui vont aller vraiment jusqu'au 3 juillet, parce que ce n'est pas le cas de toutes les écoles et partout. Donc, on est à maximum 3 semaines de la sortie et on a à nouveau un virage. Et il faut quand même dire que dans la tête des enfants, des plus jeunes jusqu'aux ados, c'est quand même compliqué à gérer tout ça. Donc, il aurait mieux valu attendre le mois de septembre, à mon sens, mais je n'ai pas tous les paramètres. Alors, avec la crise du Covid-19, ceux qui ont été marqués, c'est également les parents qui ont fait ce qu'on appelle de la continuité pédagogique. Est-ce que vous pensez que tout a été bien mis en place pour cette continuité, pour que tout se passe bien à l'école, à la maison, ou est-ce qu'au contraire, il aurait fallu faire autrement? Qui aurait dit au mois de février que nous vivrions ça, nous, au 21e siècle, dans un pays comme la France? Alors là, je pense que vraiment, chacun a fait le maximum pour que cette continuité pédagogique se vive et se vive bien. On a eu affaire dans l'enseignement catholique comme dans l'enseignement public à des enseignants, pour la plupart, évidemment il y a toujours des exceptions comme partout, mais pour la plupart extrêmement consciencieux et des enseignants par exemple qui n'étaient pas, on en a, hein, qui n'étaient pas familiarisés avec le numérique et qui s'y sont mis, alors que ça pouvait être des enseignants qui jusqu'à présent ne voulaient pas l'utiliser en classe parce que ça leur semblait compliqué. Ben là, ils s'y sont mis parce que pour le bien des enfants, pour cette continuité pédagogique, ben, ils ont voulu donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que dans les familles, on a pris aussi très, très à cœur que cette continuité se vive. Et on a eu un accompagnement de la part des familles, chacun à son niveau, hein, et tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, et ça a posé de vrais problèmes d'inégalité, c'est vrai. Mais en tout cas, chacun a voulu donner le meilleur pour les jeunes, les parents pour leurs enfants, et les enseignants pour les jeunes qu'ils accompagnent tout au long de l'année. Et quand je parle des parents, c'est tous parents confondus. Encore une fois, ce n'est pas forcément évident. Il y a des parents qui n'étaient pas équipés. Il y a des parents qui n'avaient pas les logements suffisamment bien disposés ou grands pour que les enfants soient dans des conditions de travail favorables. Il y a des parents qui n'avaient pas le temps. Mais en tout cas, ils ont tous essayé de faire quelque chose. Après, il était temps que ça s'arrête et il était temps que les enfants retournent en classe parce que il y a besoin de cette présence physique. Il y avait, les parents ne sont pas des enseignants et c'était quand même très compliqué pour eux. Et puis, je crois aussi que les jeunes et les enfants avaient besoin de leur réseau d'amis et que la rupture sociale, le contact visuel, je ne vais pas dire physique parce qu'ils ne peuvent pas se toucher, mais le contact visuel, le présentiel est quand même essentiel à l'équilibre d'un enfant, d'un jeune et puis d'un adulte aussi. Donc oui, je pense que si ça n'a pas été parfait, en tout cas pour une situation qui est arrivée du jour au lendemain, on a eu le meilleur de ce qu'on pouvait avoir et je pense que ça nous a même permis de se rendre compte à quel point on était capable de se dépasser quand quelque chose nous arrive. Et là, les enseignants se sont dépassés, les familles se sont dépassées. Après, il ne faut pas nier que ça a posé un tas de problèmes dans d'autres domaines. Mais en tout cas, les efforts ont été faits et les choses se sont mises en place très, très, très rapidement. Alors, vous l'avez dit, effectivement, les parents ne sont pas des enseignants, mais est-ce qu'ils ont quand même une place dans le système éducatif? Est-ce que la crise, le numérique, ça va peut-être justement les faire s'inclure justement dans ce système éducatif? Alors, vous avez posé la question et vous avez donné la réponse. Effectivement, depuis 1967, lors du congrès des appels à Lyon, ce congrès des parents d'élèves de l'enseignement catholique a fait émerger le principe de communauté éducative, un principe qui depuis a été repris, évidemment dans l'enseignement catholique, mais dans l'enseignement public, le ministère de l'Éducation parle de communauté éducative. Et quand on parle de communauté éducative, eh bien c'est toutes les personnes, adultes et jeunes, qui contribuent à la scolarité, à l'éducation des jeunes qui sont confiés à un établissement. Et les parents ont toute leur place, rien que leur place, mais toute leur place dans cette communauté éducative et doivent participer à l'éducation des enfants parce que ce sont les premiers éducateurs des jeunes et ils doivent y participer en collaboration avec l'école. Alors évidemment, chacun a sa place. Juste sa place, mais toute sa place. Et quand on a un établissement scolaire où la communauté éducative se vit réellement, c'est-à-dire que le lien entre l'école et les familles se fait, que la responsabilité du parent ne s'arrête pas au portail de l'école, on voit bien que dans ces établissements-là, les jeunes vivent leur scolarité d'une autre façon. Quand on est capable de se parler pour pouvoir, un parent expliquer à l'enseignant ce qui se passe à la maison, comment il voit son jeune, les difficultés qu'il rencontre avec lui, mais aussi sa personnalité, son caractère, qu'il puisse s'exprimer par rapport aux questions qu'il se pose, par rapport à l'enseignement, par rapport à une matière, par rapport à une forme de pédagogie, et que de l'autre côté, l'enseignant puisse aussi poser des questions à la famille. Ce n'est pas un interrogatoire de part ou d'autre, c'est vraiment un travail en collaboration avec chacun sa mission, mais une véritable confiance, confiance en l'école, confiance en le parent. Et là, on voit des jeunes qui avancent dans leur scolarité d'une façon totalement différente aux établissements où cette communauté éducative ne se lie pas. Alors, oui, j'espère, on se bat pour ça depuis toujours dans l'enseignement catholique et avec l'Association des parents d'élèves. Eh bien, j'espère que les établissements, alors là, je parle pour l'enseignement catholique, mais je le souhaite pour l'enseignement public, mais en tout cas dans l'enseignement catholique ou les quelques établissements qui avaient un doute sur la place des parents dans l'école, eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, grâce au confinement et à ce qu'on vient de vivre, chacun va pouvoir se rendre compte de la place de l'autre et de l'importance de travailler avec l'autre. Dans l'accompagnement d'un jeune, dans l'éducation d'un jeune, quand on est dans l'enseignement catholique, on n'est pas chacun sur son chemin pour accompagner ce jeune et lui donner le meilleur. On est sur le même chemin. Donc, on a à travailler ensemble, en confiance, mais il n'y a pas plusieurs chemins pour mener à un jeune adulte épanoui et responsable qui va pouvoir faire de vrais choix dans la vie. On est sur ce chemin tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire des jeunes épanouis et responsables. Dans les médias, en fait, dernièrement, il y a des experts, des politiques qui ont pointé du doigt en fait, le travail des professeurs. Certains ont même dit que certains enseignants avaient été démissionnaires, tirs au flanc. Vous pensez qu'il y a une polémique à voir là-dedans? Alors, il n'y a pas de polémique à avoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, certainement que quelques enseignants n'ont pas assumé cette période pour diverses raisons. Mais alors moi, je voudrais bien avoir le pourcentage de ces enseignants. D'abord, il n'y a jamais personne de démissionnaire. Peut-être que ces enseignants n'ont pas assumé parce qu'ils étaient perdus. C'est exactement quand on parle de parents démissionnaires, je ne supporte pas ce terme. Moi, je ne connais pas de parents démissionnaires, je ne connais pas d'enseignants démissionnaires. Je connais des personnes qui sont perdues par rapport à une situation et qui n'arrivent pas à assumer et à se retrouver. Ils n'ont peut-être pas été suffisamment accompagnés, ils n'ont peut-être pas eu les moyens pour le faire, ils ont peut-être eu peur, ils ont peut-être vécu une forme de solitude. Mais en tout cas, du côté des enseignants, franchement, la majorité a assumé, mais complètement assumé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des enseignants pour qui les moyens, les nouvelles technologies étaient une vraie difficulté, ils ont dépassé ça. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui que sans ces moyens informatiques, sans ce numérique, ils ne pouvaient plus assumer leurs cours et ils laissaient des jeunes sur le bord de la route. Donc non, il y a eu une vraie prise de conscience et une vraie responsabilité des enseignants. Alors, essayer de faire une polémique, de monter une polémique, mais ça, c'est spécifiquement français. Quand on essaie de monter en épingle, on tombe sur un sujet qui est complètement, je ne vais pas dire anodin, mais... où il y a quelques éléments, on apprend quelques mésaventures comme ça, et alors on en fait toute une histoire en essayant de faire croire que c'est la majorité. Mais c'est absolument faux. Il y en a, encore une fois, il y en a certainement, mais la majorité a assuré et assumé complètement sa mission. Alors, pour avoir les chiffres et m'être renseigné sur le sujet, le pourcentage de profs démissionnaires, entre guillemets, est de 4 à 5%, qui est en fait le taux normal, même sans confinement. Sans doute que les enseignants qui n'ont pas pu assumer pendant le confinement sont les mêmes enseignants en classe qui rencontrent des difficultés et à qui les chefs d'établissement doivent... refaire le point avec qui les chefs d'établissement doivent refaire le point régulièrement. Ce sont sans doute les mêmes et il n'y en a pas eu plus pendant le confinement. Ouais. Entreprises tout à fait normales qui n'ont rien à voir avec l'école, il y a eu aussi des salariés qui ont essayé de tirer profit de cette situation. Ce sont les mêmes salariés qui ont du mal à se rendre au travail le matin. Voilà, mais ce n'était pas spécifique à l'école. Enfin, il faut quand même rappeler, mais vous l'avez très bien dit, hein, qu'on a vécu une situation inédite, inédite. Et maintenant, le retour à la normale a commencé. Alors, pour faire un focus quand même sur la relation entre parents d'élèves et professeurs, donc les enseignants parfois se plaignent de se sentir fliqués par les parents d'élèves. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, certains parents interfèrent? Oui, certainement. Mais ce sont sans doute aussi des parents qui ont besoin d'être rassurés, qui sont inquiets. Comme je le dis toujours, on veut le meilleur pour notre enfant, quel que soit le milieu social. On n'a pas forcément les bons bagages pour y arriver, on n'a pas forcément toutes les compétences, on a des difficultés, mais en tout cas, on veut le meilleur pour nos enfants. Et pour certains parents, bien, ça va se traduire par une surprotection, une intrusion excessive dans l'établissement, une surveillance des enseignants. Mais en même temps, on est aussi arrivé à cette situation parce que certains enseignants n'ont pas su non plus se travailler en collaboration avec les familles, expliquer ce qu'ils font dans la classe. Quand un parent comprend ce qui se passe, comprend ce qu'attend l'enseignant, comprend où on doit aller avec le jeune, eh bien la relation est totalement différente. On ne peut pas marcher sur deux chemins parallèles, on marche sur le même chemin. Et donc il faut échanger, il faut travailler en confiance. Donc c'est vrai que certains parents sont parfois trop intrusifs. Mais là, il faut ouvrir tout de suite un dialogue, une communication. C'est à ça aussi que servent les associations de parents d'élèves. Faire le lien entre ces parents qui ont des craintes, ces parents en difficulté, et les enseignants et les chefs d'établissement, et voire même le personnel éducatif dans les établissements. Donc, tout ça, ça se travaille. Mais je pense que également avec le confinement, les parents ont pris conscience, quand les parents avaient des reproches à faire, quel que soit le domaine, hein, à l'école ou aux enseignants. Je pense que là, il y a eu une réelle prise de conscience de ce qu'était le travail à l'intérieur d'un établissement scolaire quand on ne le connaissait pas. Quand on a dû faire l'école à la maison, je pense que voilà, ça a aussi resitué les choses et remis chacun un petit peu à sa place. Ça va changer les choses pour la rentrée prochaine. Vous l'avez dit, il y a des foyers qui sont fragiles, qui ont besoin d'être rassurés, soutenus. Est-ce que des actions vont être mises en place pour aider justement ces foyers? Alors, c'est déjà fait. Dès le début, là encore, hein, dans cette crise, il y a eu une prise de conscience dans tous les domaines. Et tout de suite, les établissements scolaires, les associations de parents d'élèves se sont rapprochés des familles les plus en difficulté, et pas forcément difficulté sociale, hein, mais difficulté par rapport à l'école. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas évident de faire l'école à la maison. Donc il y a vraiment eu un accompagnement de la part des communautés éducatives pour toutes ces familles. Et du coup, ça va permettre également, à partir de septembre, de revoir les choses dans le domaine. Ça pouvait être au niveau du matériel informatique de certaines familles. Ça pouvait être aussi dans certaines familles qui n'ont pas qui sont pas en mesure intellectuellement d'accompagner la scolarité. Un tas d'aides ont été mises en place et je vois au niveau de l'appel, le président actuel de l'appel national a instauré tous les mercredis soirs une réunion en visio avec tous les présidents académiques et de département pour les aider eux-mêmes à accompagner les familles sur leur territoire. Et je sais que Gilles Demarquet et Vincent Goutine, l'équipe présidentielle actuelle, sur une centaine de départements en France, ils ont eu tous les mercredis, 80 personnes, 80 présidents en visio, parce que ces présidents avaient besoin d'aide pour eux, à leur tour, pouvoir accompagner toutes ces familles. Donc oui, des choses ont été mises en place. Là, je vous parle de l'appel parce que je vous parle de ce que je connais, mais je sais que nos collègues de l'enseignement public ont également mis des choses en place. Les établissements ont mis des choses en place. Le secrétariat général de l'enseignement catholique a mis des choses en place pour les chefs d'établissement, les enseignants. Enfin, vraiment, il y a eu une mobilisation de la part de tous. Et comme disent certains, ils ont eu beaucoup plus de travail le temps du confinement qu'en temps normal. Je vous parle en interne de l'enseignement catholique. Hein. C'était, il y a eu un surcroît d'activité pour tous parce que, eh bien, il fallait accompagner au mieux et fallait travailler dans l'urgence et ils ont su le faire. Ils ont su le faire. Et je rappelle que tous ces présidents qui étaient présents le mercredi soir avec l'équipe présidentielle, ce sont tous des bénévoles. Donc, en plus de leur activité professionnelle, de leur famille, ils ont su donner encore plus de temps pour ces familles qui rencontraient des difficultés. Donc, je pense que ça n'était pas juste une période de 3 mois. Je pense que ce que nous venons de vivre va laisser des traces, mais des traces positives également. Donc, lors de votre précédent mandat, l'appel, vous êtes engagé sur la relation école-famille et l'amélioration de l'accueil des élèves en situation de handicap. Quel est votre regard sur les avancées qui ont été effectuées depuis votre élection en 2012? Alors, elles ne sont jamais suffisantes. Elles ne sont jamais suffisantes et on rencontre encore des difficultés d'accompagnement. Mais les choses avancent. Les choses avancent et l'association continue à avancer. Pendant mes 6 ans de mandat, j'ai signé des conventions et, avec des associations comme la vôtre, hein, comme les Paralysés de France, mais bien d'autres associations, à la fois pour la scolarisation, l'accompagnement dans la scolarisation, les recherches de stage, voilà, pour tous ces jeunes qui sont en situation de handicap. Et puis, je vais faire une petite parenthèse, mais même si j'avais souhaité ne pas aller plus loin dans ma démarche, je peux vous dire que j'ai été fortement soutenue et accompagnée puisque mon vice-président, pendant mes 6 ans de mandat, était quelqu'un en situation de handicap. Donc, il avait en charge, évidemment, ce sujet qui a... Et il n'a jamais rien lâché, vous comprenez bien pourquoi. Donc oui, les choses avancent, mais elles n'avancent jamais assez vite. C'est encore une avancée supplémentaire sur laquelle on va s'appuyer pour continuer, nous, dans les établissements scolaires, à faire en sorte que ces jeunes en situation de handicap puissent être scolarisés de la façon la plus ordinaire possible. Parce qu'il faut aussi arrêter de... non pas de les monter en épingle, mais quand on scolarise un enfant en situation de handicap, c'est pas quelque chose, c'est pas une gloriole, c'est tout à fait normal. Hein. Et ils doivent être scolarisés de la même façon que les autres et accueillis de la même façon que les autres et vivre au milieu des autres. Et tout ça, c'est bénéfique à la fois pour les enfants valides et bénéfique. Les enfants qui arrivent dans les établissements scolaires et qui sont en situation de handicap, ils n'ont pas besoin de ce regard. J'écoutais une émission hier, je ne sais plus sur quelle chaîne de radio, où des jeunes, alors sportifs de haut niveau, disaient il y en a marre de nous, que l'on nous regarde comme si on était un extraterrestre, et du coup, ça amène presque de la pitié quoi, sur nous, et on en fait trop autour de nous. Ou alors, on nous rejette, mais est-ce qu'on ne peut pas vivre comme tout le monde ? Et c'est ça, il faut que l'on tende vers ça, il faut que ces enfants-là soient accompagnés avec un accompagnement particulier, bien évidemment, et il faut leur donner les moyens, mais après, qu'on les laisse vivre de façon ordinaire leur scolarité. Mais est-ce qu'avec le Covid-19, le virus est toujours présent parmi nous, est-ce que justement ce n'est pas dangereux de faire venir des élèves en situation de handicap? Certains chefs d'établissement ont d'ailleurs montré des inquiétudes. Alors, peut-être, là, moi, je ne suis pas spécialiste du domaine et je pense qu'une association comme la vôtre serait plus en mesure de répondre. Mais moi, ce que je ressens, à la fois comme maman, et la vie sociale de ces enfants-là, si vous les laissez enfermés à la maison, est-ce que... Alors, certes, ils n'attraperont sans doute pas le virus en restant enfermés à la maison, mais si c'est pour faire une dépression, voilà, ça engage autre chose. Alors après, un chef d'établissement se pose la question. C'est vrai qu'on les a mis aussi devant une difficulté, les chefs d'établissement, en leur demandant d'accueillir seulement 15 enfants, mais d'accueillir des enfants, de garder la distanciation, les gestes barrières. Ça a été extrêmement difficile pour les chefs d'établissement de mettre tout ça en place. Donc, je comprends qu'ils aient pu se poser des questions, mais moi, en tout cas, je connais quand même un bon nombre de chefs d'établissement dans mes amis. Ils ont mis quasiment une priorité pour pouvoir accompagner, accueillir ces jeunes-là, pour justement qu'ils ne restent pas enfermés chez eux. Et puis après, si vous demain, demain, c'était plutôt hier, mais si hier vous étiez tombé, vous vous blessez, vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner à l'hôpital. Et cette personne, elle va être obligée de vous toucher pour vous mettre dans la voiture ou dans l'ambulance. Enfin, bon, voilà. Le personnel éducatif des établissements, les aides de vie scolaire pour ces jeunes, doivent être formés, hein, comme tout personnel soignant, pour pouvoir être auprès de ces jeunes comme auprès d'un autre jeune. Un jeune en situation de handicap, il peut se blesser, certes, il doit pouvoir être aidé pour ses mouvements de tous les jours, mais les autres jeunes aussi. Donc, si on peut être hospitalisé, nous, valide, parce qu'on s'est coupé le petit doigt, eh bien, on doit pouvoir aussi accompagner un jeune en situation de handicap. Moi, je peux vous dire, j'ai été, pendant le confinement, j'ai eu un petit incident, j'ai été accompagnée par les pompiers à l'hôpital. Je n'ai pas vu un personnel de l'hôpital, que ce soit le personnel de ménage, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins. Je n'ai vu personne rester à 1,50 m de moi sous prétexte qu'éventuellement, voilà, quand on est aide de vie scolaire ou personnel éducatif, on doit pouvoir s'approcher des jeunes quand ils ont besoin. On a rescolarisé les enfants en maternelle. Vous croyez que ces enfants-là, ils vont tout seuls aux toilettes et ils ne sont pas en situation de handicap. Donc, on s'approche des petits pour les aider dans les gestes et la vie de tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont trop petits. Eh bien, voilà, pour les jeunes en situation de handicap, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas scolarisés. Alors, nous arrivons à la fin de cette interview. Petite question philosophique, quelle est votre définition d'une société inclusive ? Une société où tout le monde vit ensemble, où personne ne porte un regard différent, personne ne garde de distanciation vis-à-vis de l'autre. Une société où on arrive à vivre tous ensemble et où on s'enrichit les uns les autres, où personne n'a une difficulté ou un avantage. Voilà, une société où vraiment on vit tous ensemble en confiance et où on a une forme de solidarité, mais oui, d'une richesse, la différence. Et la différence, on doit la vivre depuis petit, parce que de toute façon, à un moment de sa vie, si on refuse cette différence, on va droit dans le mur. Donc, on doit vivre ensemble et on doit s'enrichir de la différence de l'autre. Pour moi, c'est ça, une société inclusive.